s'effondrer ensemble vers l'écoliberté. Par Jem Bendel. Chapitre 12. La liberté de s'effondrer et de grandir, la voie de l'effondriste. C'était peut-être la Charlotte que le révérend nous avait servie en dessert, et surtout son abondante couche de chéri sous la sauce à la crème. Ou peut-être était-ce à cause des premiers verres de vin rouge que je buvais en 3 ans. Tout cela était délicieux après une journée passée à respirer l'air de Cumbria. Mais je me souviens aussi d'avoir piqué du nez, plus bas que mes genoux, avant de glisser au sol et de rouler sur le côté. « Trouvez des coussins et une couverture !» a dit le révérend aux autres invités. Le reste est un peu flou, mais je me souviens de l'agréable sensation d'être resté allongé sur un ancien sol carrelé, de la gêne de gâcher le dîner de mes amis et de l'attitude calme et pragmatique de mon hôte lorsqu'il vérifiait mes signes vitaux. En tout cas, m'effondrer sous la table à manger du révérend Stephen Wright a été une expérience pleine de surprises. Au bout d'une demi-heure, j'étais de retour sur ma chaise, contemplant ce qui restait de la fatale Charlotte pour voir si ma nausée était passée. Le calme avec lequel Stephen a vérifié tout ce qui se passait et les tâches qu'il a distribuées à nos amis inquiets et inquiètes trahissaient la présence d'un infirmier avec des dizaines d'années d'expérience. C'était même un infirmier en soins palliatifs. J'étais donc entre de bonnes mains si les choses tournaient mal. Après un incident comme celui-ci, l'enquête commence. Alors même que le plateau de fromage faisait son apparition, j'écoutais Stephen évoquer le nerf vagal et la façon dont il peut nous mettre hors service en cas d'épuisement, en particulier lorsque l'on mange beaucoup. Ce jour-là, j'avais enfin gagné l'occasion de mettre en pause cette existence que je vivais à fond de train et de prendre du recul par rapport à ma situation. Mon corps avait dit « stop » à cette vie frénétique. « Biffez de votre liste tout ce que vous n'avez pas absolument besoin de faire au cours du mois à venir », m'a conseillé Stephen. « Simplifiez les choses et priorisez le fait de prendre soin de vous-même. » Je l'ai écouté avec attention. Avec tellement d'attention que j'ai même passé cet après-midi-là à regarder des documentaires sur la reine Élisabeth. Oui, j'en ai regardé plus d'un. J'étais assez déstabilisée. Néanmoins, la semaine suivante, j'ai gravi Blencatra, la montagne la plus proche de la demeure du révérend, au sol si joliment carrelé. Je voulais me sentir à nouveau en vie et en pleine nature. Pas étouffé et sur la défensive devant mon ordinateur portable, en train de calculer l'étendue du désastre mondial. Avant d'arriver au cottage du révérend Wright pour le week-end, j'avais passé les 18 mois précédents à faire des recherches sur les sujets les plus inquiétants qui soient. Non seulement dans le champ des sciences naturelles, sur l'écologie, l'énergie et le climat, mais aussi dans les domaines connexes de l'économie, de la politique et de la philosophie, entre autres. Ce que mes collègues et moi avons appris au cours de ces 18 mois a aggravé mon hypothèse initiale. Du fait de cette étude, j'ai perdu beaucoup des opinions optimistes qui me restaient. Et malgré les promesses que je m'étais faites au départ, cela n'est pas resté un travail de jour. Le moins qu'on puisse dire, c'est que l'effondrement de notre mode de vie est un sujet extrêmement vaste, qui touche à tous les aspects de l'existence. De quoi traiter dans un livre? Que laisser de côté? Pourquoi si peu de gens en parlent alors que tant de journalistes attaquent des gens comme moi qui n'en disent que quelques bribes? Comment partager ces idées dans un espace public devenu si hostile au non-conformisme? Par ailleurs, lorsque j'identifie des problèmes, les gens attendent de moi des réponses sur tous les sujets possibles et imaginables. Quand je n'en fournis pas, on me considère comme négatif, défaitiste, inutile et dégoûtant. Mon but était seulement de partager quelques idées, car je ne voulais pas que mon analyse dynamise accidentellement ceux et celles qui ont des positions que je ne soutiens pas. Je me suis demandé s'il suffisait de proposer un cadre pour aborder ces questions, comme je l'avais fait avec l'adaptation radicale 5 ans plus tôt. Toutes ces questions, et bien d'autres encore, me taraudaient 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et j'ai retardé le début de la rédaction de ce livre jusqu'à ce que je sache ce qui méritait d'être dit. Je redoutais aussi le choix que je me sentais déjà obligé de faire, celui de passer les 9 prochains mois à rédiger une synthèse détaillée des preuves de l'effondrement en cours des sociétés modernes, ainsi que mon analyse des raisons de cet effondrement et la manière d'y réagir. Je me suis dit que les gens n'aimeraient pas ça. On rejetterait le livre, y compris les personnes ayant accueilli favorablement mon travail par le passé. J'aurais gâché des années de ma vie quand j'aurais pu m'investir avec plaisir dans la musique et l'agriculture. C'est ainsi que j'ai connu mon effondrement personnel. Considérant l'état du monde, il n'y avait pas de quoi en faire une charlotte. Mais cela m'a montré que je devais biffer beaucoup de choses dans ma vie. J'ai biffé les idées que j'avais pour ce livre, à l'exception de quelques-unes. À savoir, décrire mon constat de la situation planétaire, les raisons pour lesquelles j'estime qu'elle s'est produite, et les principes philosophiques importants qui peuvent structurer nos réponses à cette situation. J'ai biffé l'espoir que ce livre devienne un best-seller et que j'éviterai la diffamation. J'ai biffé la plupart de mes projets de loisirs pour les 9 mois à venir. En lieu et place, ce projet d'écriture serait la croix que je devrais porter. J'ai accepté à contre-cœur la nécessité de retourner au monde combatif de l'analyse scientifique et de la diffusion de ses résultats. Cette façon d'être était quelque chose que j'avais commencé à laisser derrière moi après mes précédentes plongées en profondeur dans les études sur l'état du monde en 2017 et 2018. La figure du type intelligent ayant une contribution intellectuelle à apporter au monde était une identité que j'avais pathologisée, qui était devenue une dépendance. Mais j'étais de retour dans ce rôle, jusqu'au cou, pour une durée indéterminée. Alors que j'écris ces lignes, en mars 2023, je me sens troublée par la lumière que j'entrevois au bout du tunnel. En effet, je sais déjà quel genre de vie on ne peut que mener une fois qu'on a fait sienne le genre d'analyse que présente ce livre. C'est tout sauf une vie passée à peaufiner des arguments universitaires. C'est plutôt une vie où l'on est plus libre de suivre ses passions. Dans ce chapitre, je souhaite partager avec vous quelques exemples de personnes qui ont été transformées par leur conclusion que les sociétés modernes vont s'effondrer ou ont commencé à s'effondrer. Je souhaite partager avec vous la manière dont ils et elles poursuivent ensuite des activités qui s'inscrivent dans l'éthique éco-libertaire décrite au précédent chapitre. Ce faisant, j'évoquerai certains domaines dans lesquels des réponses partielles et non des réponses ou des solutions définitives, ont été apportées à la situation inextricable que j'ai décrite dans ce livre. L'effondrement personnel, une libération. Le révérend Wright considère que le fait de s'éveiller à l'effondrement des sociétés modernes nous met face à notre propre mortalité et à celle de toutes les personnes que nous connaissons. C'est pourquoi nous devons nous confronter à toute crainte que nous pouvons avoir concernant la mort et son processus. Nos sociétés ne cessent de nous distraire de la certitude de la mort. Nous concentrer soudainement sur notre mortalité peut nous sortir de notre tendance à l'auto-hypnose et nous permettre de passer en revue les aspects de la vie auxquels nous accordons le plus de prix. Stephen a remarqué que cela nous plonge dans une crise de sens. Qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous ici? Quel est notre lien avec la vie et son but? Quelle est notre relation avec la source de tout? Qui ou quoi que cette source soit pour nous? C'est l'essence même de la spiritualité. Mon expérience fait écho à la perspective du révérend. Pour illustrer mon propos, je voudrais vous parler de 2 femmes, Zori et Skina. Lorsque j'ai rencontré Zori pour la première fois à Bali, c'était une entrepreneuse en technologie d'une 20aine d'années, désabusée et épuisée par son expérience au sein de diverses startups internationales et désireuse de se consacrer à une cause plus importante. Elle envisageait de retourner en Bulgarie pour lancer une entreprise de recyclage de matières plastiques. Nous venions de participer à un atelier d'improvisation théâtrale et dînions avec le reste du groupe dans un café local. Pendant que nous attendions les plats, Zori m'a questionné sur mon travail. C'était en février 2018 et j'étais en pleine analyse d'études sur le changement climatique. Je n'avais pas l'habitude d'en parler avec des personnes que je rencontrais à peine, d'autant plus que j'étais encore en train de me faire l'idée de ce que je découvrais. Je lui ai expliqué que mes recherches m'avaient conduit à la conclusion décourageante que notre mode de vie était susceptible de s'effondrer bientôt. Loin de contester ce point de vue, Zori m'a demandé « Combien de temps nous reste-t-il » Il me paraissait à la fois malhonnête et inutile de lui répondre qu'il est impossible de savoir, considérant la complexité des systèmes qui sont en jeu. Sa question m'a amené à me demander comment j'intégrais toutes ces informations dans mon propre psychisme. Citation. Je vis ma vie aujourd'hui comme si, d'ici 2028, les systèmes dont nous dépendons se seront effondrés dans la plus grande partie du monde. Cela pourrait signifier ma mort. Fin de citation. Je n'ai jamais exprimé cela à personne auparavant, et cela se voyait peut-être. Je me suis rendu compte que je transmettais à cette jeune personne des informations potentiellement traumatisantes, sans savoir si elle était prête à les recevoir. J'avais partagé avec quelqu'un ce qui jusque-là était une douleur privée. À mon grand soulagement, mes paroles n'ont pas rebuté Zori, mais l'ont intriguée. Bien que troublée par la perspective d'un effondrement, elle voulait lire mon article. Nous avons échangé des courriels et, lorsque l'article a été prêt, je lui ai envoyé un premier jet. Aujourd'hui, 5 ans plus tard, Zori Tomova est devenue coach, chamane pratiquante et fondatrice d'une communauté en ligne qui permet aux gens d'approfondir leurs relations et de vivre avec plus de joie tout en donnant sens à leur existence. Zori attribue ce changement d'orientation à notre rencontre de ce jour-là. Face à la possibilité que la vie, telle qu'elle la connaissait, puisse toucher à sa fin d'ici une décennie, Zori s'est demandé ce qu'elle devait faire du temps qui lui restait. La seule chose qui avait un sens pour elle était de s'assurer qu'elle vivait pleinement sa vie. Pour elle, cela ne signifiait pas rechercher le plaisir, comme le suggèrent nos sociétés, mais faire de son mieux pour se sentir présente et connectée aux autres, à elle-même et au monde, tout en aidant autrui à faire de même. Elle a donc abandonné l'idée de devenir entrepreneuse dans le domaine du recyclage et s'est lancée dans l'exploration de la connexion. En l'espace de quelques semaines, elle a créé la communauté Connection Playground, où des personnes organisent des ateliers permettant de se connecter à soi-même, à l'autre et à la nature. Bien que le mot « playground », cour de récréation ou aire de jeu, puisse évoquer des activités frivoles et enfantines, il s'agissait d'un projet pour adultes. Pour Zori, jouer signifie se débarrasser de ses vieux schémas, comportements et attentes en faveur d'une exploration ouverte entreprise avec un esprit de débutant et débutante, ce qui permet à l'inattendu d'émerger. Pour elle, il semblait évident que si notre mode de vie avait conduit la civilisation au bord de l'effondrement, l'humanité devait trouver de nouvelles façons d'être et ces façons ne pouvaient naître que de l'expérimentation libre et du jeu. Selon ses propres termes, Connection Playground était comme une université de la connexion. J'étais l'un des participantes à ce projet initial. Les événements organisés par Zori m'ont aidé à intégrer la conscience de l'effondrement dans ma propre vie et à concevoir le Deep Adaptation Forum, qui encourage également l'expérimentation et l'émergence sans chercher de réponse toute faite. Elle a fait partie de l'équipe fondatrice de ce forum avant de partir vivre quelques années au Guatemala et d'approfondir sa compréhension de la sagesse maya. Au travers de la réaction et de la transformation de Zori, j'ai découvert que les gens peuvent réagir à la prise de conscience de l'effondrement par l'ouverture plutôt que la fermeture. Nous n'avons pas besoin d'aller acheter des armes et des stocks de conserves. Au lieu de cela, nous pouvons explorer ce que nous voulons faire le plus au monde et décider de comment vivre pendant les années au cours desquelles notre ancien mode de vie s'effondre. alors que la modernité impériale a créé pour nous un ensemble d'attentes et de restrictions, l'anticipation de l'effondrement nous permet de nous en affranchir et de découvrir notre liberté d'expérimenter avec notre identité et les façons de conduire notre existence. J'ai rencontré Skina environ 7 mois après Zori. C'était en septembre 2018. Je venais de faire ma première présentation publique de mon article sur l'adaptation radicale. Je présidais une conférence sur le leadership, mais mes co-organisateurs et co-organisatrices m'ont dit que de nombreux participants et nombreuses participantes souhaitaient que je fasse un exposé sur le changement climatique. Mon intervention a porté sur les nombreuses raisons pour lesquelles les personnes de mon domaine professionnel, le développement durable en entreprise, avaient ignoré les nouvelles inquiétantes et les données scientifiques sur l'aggravation de l'état du climat. Comme on pouvait s'y attendre, lors des questions-réponses, on m'a une fois de plus demandé « Combien de temps nous reste-t-il ?» Cette fois, j'ai apporté une réponse plus concrète. Il est possible qu'il faille rationner la nourriture en Grande-Bretagne d'ici 3 ou 4 ans. La gravité de la situation et ses conséquences dépendent de la manière dont les citoyens, citoyennes et les gouvernements réagissent. Mais même en cas de réaction constructive, cela n'empêchera pas la situation d'empirer dans les décennies à venir. Après mon exposé, pendant la pause café, j'ai rencontré Skina pour la première fois. « Je vous contacterai, je veux être avec mes enfants maintenant, alors je dois y aller », m'a-t-elle dit. Ce n'était pas l'indicateur habituel d'une conférence ou d'un exposé réussi. Comme elle semblait angoissée, j'ai raccompagné Skina à sa voiture. Elle m'a expliqué que, grâce à sa formation professionnelle, elle savait comment faire face aux sentiments qu'elle éprouvait. Thérapeute professionnelle et élue locale travailliste, née de parents cachemiriens, Skina Rator est rentrée chez elle. Plus tard, elle contribuerait à faire d'Extinction Rebellion, XR, le puissant mouvement que l'on connaît. Un mois plus tard, elle m'a raconté qu'elle était allée voir son amie et voisine Gail Bradbrook pour lui demander comment elle pouvait l'aider dans sa nouvelle campagne sur le climat. Il paraît que Gail lui a répondu « Je n'arrive pas à croire qu'il t'a fallu un type en costard pour te faire prendre au sérieux ce que je te répète depuis des années. » Skina a abordé son rôle au sein de XR dans le contexte de sa foi soufie et elle a intégré tout cela dans son travail d'organisation et de formation des bénévoles. Elle a dirigé la rédaction de leur déclaration d'intention solennelle qui a été lue au début de chaque série d'actions de désobéissance civile pacifique. Je l'ai entendu pour la première fois lu par Jilani, une aînée soufie, au Sacred Hearts Camp de 2019. Prenons un moment, ce moment, pour nous rappeler la raison pour laquelle nous sommes ici. Souvenons-nous de notre amour pour cette belle planète qui nous nourrit et nous soutient. Souvenons-nous de notre amour pour l'ensemble de l'humanité aux 4 coins du monde. Rappelons-nous notre désir sincère de protéger tout cela, pour nous-mêmes, pour tous les êtres vivants et pour les générations à venir. En agissant aujourd'hui, puissions-nous trouver le courage d'apporter un sentiment de paix, d'amour et d'appréciation à toutes celles et tous ceux que nous rencontrons, à chaque mot que nous prononçons et à chaque action que nous accomplissons. Ensemble, ancrés dans l'amour, nous sommes tout ce dont nous avons besoin. Fin de citation. Permettre et valoriser l'intuition. Bien que ce soit leur ouverture à la science et aux analyses intégratives de la science qui a amené Zori et Skina à une prise de conscience douloureuse, voire à un choc existentiel, cette ouverture les a rapidement reconnectés à leur sagesse intérieure qui dépassait largement le cadre de la science. De nombreuses autres personnes que j'ai rencontrées ces dernières années ont fait état du même abandon de leurs habitudes et compromis passés pour laisser leur émerveillement et leur respect de la vie guider leurs décisions. Dans leur manière de répondre à leur propre anticipation de l'effondrement sociétal, Stephen, Zori et Skina ont été guidés par leur intuition, qu'ils et elles considèrent comme une information spirituelle. D'autres personnes en ont une perception plus laïque. Par exemple, selon les psychologues, ralentir et calmer l'esprit et le corps peut nous permettre de percevoir des anomalies par rapport au schéma attendu en nous ou autour de nous. De cette manière, on peut gagner l'accès à de nouvelles connaissances sur les points auxquels il convient d'accorder une plus grande attention. Étant donné que l'intuition semble jouer un rôle important dans la manière dont les gens s'affranchissent des restrictions du passé dans la culture de la modernité impériale, j'ai réfléchi à ce que ce terme recouvre. J'en suis venu à considérer que 5 approches sont importantes pour nous permettre d'accéder à cette intuition et d'être guidés par notre boussole vitale, plutôt que d'agir sur la base de nos préjugés et donc de reproduire des habitudes culturelles avec une confiance mal placée. Les pratiques qui nous aident à observer nos envies et nos aversions intérieures à l'égard de certaines pensées ou de certains sentiments jouent un rôle important pour permettre à nos idées et à nos décisions d'être moins guidées par ces processus inconscients. Ces pratiques peuvent inclure la méditation, en marchant ou en position assise, et le deep relating, une forme de méditation interpersonnelle. Deuxièmement, des façons qu'on peut avoir de calmer nos peurs et d'inspirer notre sens de la connexion et de la confiance dans la vie peuvent contribuer à atténuer ou à transcender notre ego. Il existe différentes voies pour parvenir à cette transcendance. Randonnée dans la nature, jeûne, danse extatique, méditation, chant dévotionnel, enseignement spirituel ou encore des prières adressées à un être ou à une énergie divine. Certaines personnes décrivent cette approche comme une invitation ou une mise en condition afin de se permettre d'être guidées par leur moi plus aimant, leur moi supérieur ou leur moi plus étendu. Pour d'autres, il s'agit de s'inviter à recevoir des conseils de la part du divin ou de leurs ancêtres. Bien que ce ne soit pas quelque chose qu'on puisse choisir ou dont on puisse faire une routine, les moments de désespoir sont eux aussi des voies vers la transcendance de l'ego. Troisièmement, la prise de conscience des sensations présentes dans notre corps ou récurrentes en relation avec certaines pensées est importante pour permettre à notre esprit de conceptualiser la connaissance de notre personne dans sa globalité. Cela peut commencer par le simple fait de reconnaître cette dimension de notre expérience et de remarquer davantage ce qui se passe dans notre corps. Il peut également s'agir de privilégier des expériences corporelles, comme la marche dans la nature. Il est clair que ces 3 premières approches peuvent être liées et que chacune d'entre elles est utile à l'autre. La 4e approche, quant à elle, est spécifique à la lutte contre les dommages que la modernité impériale cause à notre sentiment d'identité personnelle. Il s'agit de tenter délibérément de se reconnecter à la nature, tout en conservant une ouverture à l'émergence de la sagesse. Cette reconnexion n'a pas besoin de se produire dans une région sauvage. Elle peut avoir lieu en compagnie d'un arbre de votre jardin. L'important est de se permettre de sentir que chaque chose est vivante et en relation « connaissante » entre guillemets avec tout le reste. Certaines personnes préfèrent décrire cela comme l'omniprésence de l'esprit ou comme la présence de Dieu à l'intérieur ou au travers de toute chose. Pour d'autres, il s'agit de resacraliser la nature et de nous permettre de retrouver le sentiment de nous trouver au sein d'une écologie vivante qui nous entoure comme une famille. Cela revient peut-être à accepter la possibilité de recevoir des informations de la part de ces vivants qui sont nos proches. Enfin, la 5e voie pour développer notre intuition n'est pas aussi populaire parmi les personnes qui mettent en œuvre certaines des approches décrites ci-dessus. Pourtant, c'est une voie essentielle si l'on veut éviter de mettre nos préjugés sur un piédestal et de les renforcer encore, en les considérant comme le produit de nos intuitions. Cette 5e approche est celle de la culture critique, que j'ai décrite en détail au chapitre 8. En comprenant mieux les habitudes de pensée des cultures dans lesquelles nous vivons, nous avons plus de chances d'éviter de verbaliser l'ineffable lorsque nous cherchons à donner un sens aux illuminations un peu vagues auxquelles nous accédons. L'une des grandes leçons de la culture critique est de reconnaître que la volonté d'atteindre un savoir universellement applicable, qui puisse être communiqué à n'importe qui et n'importe où, est un désir caractéristique de la modernité impériale. Mais toute connaissance issue de l'intuition peut n'être que tout à fait spécifique à une personne, à un moment et en un lieu donné. Par conséquent, ce serait distordre cette intuition que de tenter de la traduire en une certaine manière d'être ou d'agir qui devrait définir le comportement d'autrui. Gardons cela à l'esprit si quelqu'un, se réclamant d'un héritage ou d'une identité autochtone, nous proclame que sa vision, venue d'un état altéré, confirme ses traditions de sagesse selon lesquelles il n'existe pas de droit des personnes, mais seulement des relations de parenté entre êtres vivants. Il faut parfois du temps. Zori, Skina et Stephen sont inhabituels d'après mon expérience. Ils et elles se sont immédiatement reconnectés à des aspects de leur humanité après avoir pris conscience de notre situation mondiale. Et en l'espace de quelques jours, ont trouvé de nouvelles façons de vivre et de mettre leurs compétences au service du bien collectif. Dans mon cas, cela a pris des années. De même, la plupart des personnes que j'ai rencontrées et qui m'ont dit être passées à une perspective « entre guillemets post-durabilité » après avoir travaillé de nombreuses années dans la « entre guillemets durabilité » ont elles aussi témoigné qu'il leur a fallu de nombreuses années douloureuses pour en arriver là. C'est en 2013 que j'ai commencé à m'inquiéter du fait que le changement climatique progressait beaucoup plus rapidement et avait des conséquences plus graves que ce que nous disaient les journalistes écrivant sur les rapports du GIEC. Mais je n'ai cessé de remettre à plus tard la décision de consacrer du temps à un examen détaillé de tout cela, non seulement parce que j'étais très pris par mon travail dans la durabilité des entreprises, mais aussi parce que je redoutais ce qu'un aveu d'échec pourrait signifier pour mon propre sentiment d'identité. Je craignais le chagrin et la peur face à l'état du monde et à la perspective d'un avenir catastrophique. Je craignais de perdre toute motivation pour mon travail. Je craignais d'envisager que j'avais gâché des décennies de ma vie. Je craignais de perdre mon identité de, entre guillemets, bonne personne. Je craignais le désespoir. Grâce à mes rencontres avec des psychologues et à mes lectures de textes de psychologie au fil des ans, j'ai découvert par la suite que j'étais au bord de ce que l'on appelle une désintégration positive de mes structures, de mes récits du moi ou de l'ego. Positive parce que, avec le soutien adéquat, toute période de désespoir ou même de dépression peut nous amener à reconstruire notre image de nous-mêmes d'une manière qui nous donne finalement satisfaction. De nombreuses personnes m'ont remercié pour le cadre des 4 R de l'adaptation radicale que j'ai créé initialement pour m'aider dans ma réflexion et mes discussions sur ce qu'il convient de faire en réponse à l'anticipation ou à l'expérience d'un effondrement de la société. L'approche des 4 R se réfère aux 4 questions mises en avant par la démarche de l'adaptation radicale énoncée par l'auteur au chapitre 8. À savoir les questions portant sur la résilience, le renoncement, la restauration et la réconciliation. La première question proposée par cette démarche est la suivante. Qu'est-ce qui nous tient le plus à cœur et que nous voulons conserver à une époque d'effondrement? Au départ, ce que je souhaitais le plus conserver dans ma vie, c'était des valeurs, plutôt que la sécurité matérielle. Je ressentais un sentiment de loyauté envers l'engagement et les sacrifices que mes parents avaient consentis pour m'aider à devenir professeur, moi qui ai également vécu des expériences interculturelles peu communes depuis l'enfance. Je ne me sentais pas capable d'abandonner mon travail intellectuel, ma perspective internationale et mon désir de faire le bien. J'avais le sentiment qu'il était essentiel, voire sacré, de conserver un sentiment d'émerveillement face à la vie et d'appréciation de la beauté. Je ne voulais donc pas abandonner cela pour adopter une attitude puritaine au service des changements sociétaux. Je me sentais profondément respectueux du processus scientifique qui m'avait amené, ainsi que d'autres, à reconnaître notre situation difficile et bouleversée par la façon dont les pressions exercées par les institutions, les entreprises et les politiciens-politiciennes sapaient le pouvoir de cette connaissance dont nous bénéficions. J'ai ressenti le désir d'encourager des réponses qui permettraient de remédier équitablement aux souffrances inégales qui existent actuellement et qui s'aggraveront avec le temps. Je voulais aussi défendre les libertés de chacun chacune contre les actions néfastes des classes dirigeantes qui réagiraient pour défendre leurs propres intérêts plutôt que dans le but d'atténuer les impacts meurtriers. Je m'infligeais beaucoup de pression à vouloir concilier toutes ces valeurs en moi, et ce, depuis un point de départ auquel tant de gens étaient hostiles. Avec le recul, je me suis rendu compte que je ne répondais pas suffisamment à la deuxième question de l'adaptation radicale, c'est-à-dire de quoi devons-nous nous défaire pour ne pas aggraver la situation à une époque d'effondrement. Il y avait de nombreuses choses auxquelles je ne voulais pas renoncer. Je m'accrochais à mon rôle intellectuel tout en étant soudain projeté dans un nouveau domaine, la collapsologie, qui, comme vous le savez à la lecture de ce livre, et peut-être d'autres sur le sujet, concerne à peu près tous les aspects possibles et imaginables de l'existence. En revanche, j'ai renoncé à la même chose que Zori et Skina, c'est-à-dire à mon objectif de conserver une sécurité financière. Dans mon cas, j'ai réduit mon travail rémunéré à un jour et demi par semaine et j'ai travaillé bénévolement pour créer le Deep Adaptation Forum. Skina et Zori ont abandonné leur précédent emploi pour se consacrer à des activités moins bien rémunérées et au bénévolat. Je suis conscient de la difficulté que cela représente pour de nombreuses personnes. Dans mon cas, cela a pris du temps et impliqué de déménager dans un pays où le coût de la vie est beaucoup moins élevé. Cela signifiait que je devais accepter de ne voir ma famille, mes amis et mes collègues au Royaume-Uni et en Europe qu'une fois par an, ou même seulement tous les deux ans. La troisième question de l'adaptation radicale nous demande « Que pouvons-nous faire revenir pour nous aider dans les moments difficiles qui nous attendent ?» Je n'ai rien trouvé à rapporter venant de mon propre passé, mais beaucoup d'idées et d'activités qui étaient plus répandues par le passé, que ce soit dans ma propre culture ou dans d'autres. La découverte du théâtre d'improvisation et son animation ont participé à ma découverte de divertissements auxquels nous pouvons participer plutôt que de les consommer. J'ai collaboré avec des artistes. J'ai appris à jouer d'un instrument de musique. J'écris maintenant des chansons et joue dans un groupe de musique dévotionnelle. J'ai créé une exploitation agricole qui est non seulement conçue selon une approche biologique et régénératrice, mais aussi faite pour être résiliente aux changements climatiques à court terme et aux perturbations des chaînes d'approvisionnement. Cela n'a été possible que parce que je vis dans un pays où la terre et la main-d'œuvre sont beaucoup moins chères qu'au Royaume-Uni, et parce que j'ai décidé de louer la terre pour commencer et non d'acheter. Je me suis rendu compte qu'il m'était nécessaire de faire de la place dans ma vie en renonçant à de vieux espoirs et à de vieilles habitudes, afin de ne pas me surcharger alors que j'y introduisais de nouveaux éléments d'origine plus ancienne. Mon effondrement sur le sol du révérend était probablement dû en partie à de l'épuisement, venu d'un manque de lâcher prise. Stephen m'a décrit l'épuisement émotionnel comme un état de sevrage brutal pour l'ego, se produisant lorsque le corps réagit à une surcharge en s'éteignant comme une machine. J'étais accro au sentiment d'être un intellectuel utile. Au cours des années qui ont précédé la publication de ce livre, j'étais aussi en prise à une certaine anxiété quant à l'ampleur des déformations de mes analyses et de mes opinions antérieures. Je craignais que cette négativité n'incite les gens à se détourner des nombreuses personnes et méthodes qui pourraient les aider à transformer leur éco-anxiété en nouveau mode de vie positif. Mais une partie de mes inquiétudes était liée à une forme de chagrin profond, causée par des personnes qui avaient autrefois réagi positivement à mon plaidoyer en faveur de réponses aimantes à l'effondrement. Loving responses to collapse. La phrase fait référence à l'énoncé de la raison d'être du Deep Adaptation Forum. En effet, depuis le début de la pandémie, je constatais que certains et certaines exprimaient des attitudes haineuses à l'égard de catégories entières de personnes. C'étaient là les attitudes qui leur avaient été savamment et constamment inculquées par le biais des médias traditionnels et par les classes dirigeantes, comme nous le verrons de plus près au chapitre 13. Beaucoup d'autres personnes qui étaient témoins de ces attitudes n'essayaient pas de s'opposer à cette diabolisation ou cette polarisation, ni à la dégradation du dialogue dans la société à propos de cette situation qui créait des perturbations extrêmes. C'est une situation qui, d'après moi, s'intègre dans le contexte de l'effondrement. Chapitre 4. Je constate qu'accepter l'effondrement, en soi, ne suffit pas pour se libérer et pour aller vers des modes d'existence plus indépendants et plus créatifs. Si l'on continue à baigner dans les mêmes formes de communication que celles qui ont construit la modernité impériale, on peut toujours être manipulé en cas de perturbation sociale. C'est là qu'intervient la quatrième question de l'adaptation radicale. Avec qui et avec quoi puis-je faire la paix face à notre mortalité mutuelle ? J'ai non seulement dû accepter qu'il s'agissait d'un sujet sensible et que certaines personnes pouvaient mal réagir à des points de vue difficiles tels que ceux présentés dans ce livre, ou même être encouragées et payées par les institutions dominantes pour réagir de la sorte. J'ai aussi dû accepter que d'autres pouvaient accueillir favorablement mon analyse, mais se comporter ensuite d'une manière qui m'horrifiait. J'ai dû faire la paix avec mon manque d'influence intentionnelle et, par conséquent, avec le fait que je n'ai peut-être pas le moindre pouvoir d'action réel. J'ai dû faire mienne la liberté de rester petit dans une culture qui a toujours exigé l'expansion du domaine de nos impacts comme seule marque de succès. Et j'en suis finalement venue à accepter que ce livre puisse irriter presque tout le monde d'une manière ou d'une autre. Je me suis donc concentrée sur ce que je jugeais être la contribution la plus utile que je puisse apporter à ce moment de l'histoire de l'humanité. Les pionniers, pionnières de l'économie écolibertaire. Il est difficile d'imaginer comment tenter de changer les sociétés modernes si nous restons entièrement dépendants et dépendantes de ces sociétés pour notre subsistance matérielle et psychologique. C'est une leçon douloureuse que j'ai tirée de l'attitude agressive, au cours de la pandémie, de certaines personnes acceptant l'effondrement. C'est également la raison pour laquelle les personnes que j'ai mentionnées plus haut dans ce chapitre et que j'admire ont dû réduire leurs revenus et leur sécurité économique, afin de poursuivre une nouvelle orientation de vie. En réfléchissant à cet aspect économique de la capacité à vivre dans une liberté retrouvée par rapport à la modernité impériale, je me suis souvenu de ce que j'avais appris des enseignements du Mahatma Gandhi lorsque je vivais en Inde. Il nous a tous et toutes encouragés à reconnaître que pour rechercher l'autonomie, nous devons développer une plus grande autosuffisance, car sans cette dernière, toute forme de gouvernance ne sera qu'un compromis passé avec les impérialistes. Dans le cas de l'Inde, c'est ce qui s'est produit. Ces derniers ont mis en place des systèmes monétaires, des règles commerciales et des bureaucrates qui allaient dicter la trajectoire économique du sous-continent indien et enrichir les élites locales et britanniques pendant des décennies. Le fait de renouer avec cette vision m'a également permis de renouer avec les idées et les efforts des personnes que je connaissais avant même de devenir un collapsologue, entre guillemets. Il s'agit de personnes qui ont toujours été éco-libertaires dans leur motivation et leur travail, et qui, par conséquent, loin d'être troublées par la reconnaissance des ruptures et de l'effondrement, se trouvent au contraire encouragées dans leur action. C'est pourquoi je souhaite mettre en lumière quelques exemples d'activistes impliqués dans la vie de leur communauté locale, qui aident les gens à vivre des vies plus décentes, tout en se retirant des systèmes modernes destructeurs et en décomposition dont ils et elles dépendent, comme nous tous et toutes. Mon premier exemple est bien connu, c'est celui des écovillages. Ce qui m'intéresse, ce sont les communautés « entre guillemets intentionnelles » qui vivent dans des groupes plus étendus qu'une famille, qui partagent terre et ressources et qui prennent des décisions ensemble. Mon ami et collègue de longue date, Matthew Slater, a participé à la maintenance du site web du Global Ecovillage Network, GEN, G-E-N, pendant quelques années, et m'a fait découvrir le potentiel et les limites de ces initiatives. Il m'a expliqué comment la densité des liens sociaux dans ces communautés permet à plus de travail et de rencontres de s'effectuer sans déplacement, donne lieu à de plus courtes chaînes d'approvisionnement, rend disponible davantage d'aides non monétisées et fait que personne n'a besoin de se sentir ou d'être seul. De manière générale, cette plus grande proximité de vie implique une utilisation plus efficace de la terre, de l'énergie, de l'argent et des ressources en général. Une étude récente menée au Danemark a montré que la vie en communauté permettait de réduire les émissions de CO2. Le GEN signifie quatre secteurs, entre guillemets, de la vie en communauté. Le social, l'écologique, l'économique et la vision du monde, qui inclut la spiritualité. À l'ère de la production de masse, nous avons oublié comment faire beaucoup de choses à petite échelle. Les écovillages offrent donc un contexte vital pour la conception et le prototypage de nouvelles technologies et la redécouverte d'autres plus anciennes. Siebenlinden, en Allemagne, est spécialisé dans l'efficacité énergétique. ZEG et Tamera se concentrent sur les relations, la résolution des conflits et les dynamiques de groupe. L'AKB, dans la région basque de l'Espagne, a une règle stricte qui interdit l'utilisation de l'argent au sein de la communauté. Damanhur, en Italie, compte 800 personnes et s'appuie sur une économie interne florissante, mais son objectif réel est de forger une nouvelle spiritualité. Auroville, dans le Tamil Nadu, en Inde, est encore plus grande et a elle aussi été fondée sur des bases spirituelles, au milieu d'un terrain de brousse complètement dégradé. Grâce à des décennies d'approches régénératives, on y trouve maintenant une forêt et il s'y déroule différentes expérimentations en matière d'éducation, d'agriculture, de gouvernance et bien d'autres choses encore. En 2009, Matthew et moi avons vécu quelque temps à Auroville. Nous y avons lancé un centre temporaire pour héberger notre projet de logiciel libre et gratuit, permettant aux communautés du monde entier de commercer ensemble sans argent. Je reviendrai dans un instant sur les raisons de ce choix. Mais ce lien antérieur avec Auroville m'a rendu curieux d'apprendre que des membres de la communauté avaient mis en place un groupe d'adaptation radicale, reliant entre elles les personnes anticipant l'effondrement localement. Auparavant, ces dernières s'efforçaient d'assurer leur propre subsistance. Mais lorsque la pandémie a frappé et que le gouvernement a imposé des restrictions en matière de travail et de déplacement, le groupe a changé d'orientation pour répondre aux besoins immédiats des travailleurs migrants et travailleuses migrantes bloqués dans la ville voisine. Cela m'a permis de constater que le fait de prendre le temps de réfléchir à la façon dont nous souhaitons nous comporter en cas de perturbation ou d'effondrement sociétal peut nous aider à passer à l'action lorsque des difficultés surviennent, surtout si cela implique de sortir de nos zones de confort. Malheureusement, Auroville est aujourd'hui menacée par le modernisme impérial du gouvernement national qui cherche à développer, entre guillemets, la région. C'est là un cruel rappel du fait que la plupart des communautés intentionnelles sont entravées par des systèmes financiers, juridiques et de planification qui ont été conçus pour des individus et des entreprises privées, plutôt que pour des communautés souhaitant vivre selon des principes différents. Il serait bon que les écovillages soient reconnus comme ayant un rôle utile au sein des sociétés déstabilisées et que des politiques soient adoptées pour les aider. Par exemple, en facilitant une propriété comme des terres et des entreprises, point sur lequel nous reviendrons dans un instant. C'est également par l'intermédiaire de Matthew que j'ai rencontré Stéphanie Rerick, une community activiste originaire du Wisconsin. Son travail associatif se concentre sur de nouvelles façons de répondre aux besoins réels et immédiats des personnes ayant des moyens financiers limités. L'un des moyens d'y parvenir est de mettre les gens en contact pour que chacun, chacune puisse répondre aux besoins des autres, ce qui peut s'accomplir par les banques de temps. Il s'agit d'un réseau social doté d'un site web sur lequel les membres affichent des demandes et des offres de soutien pratique et gardent trace de leur coopération sous la forme d'un transfert d'heures par l'intermédiaire du site. Ce n'est pas un système monétaire s'appuyant sur le paiement de dettes, mais il fournit des incitations et un cadre pour la coopération. Il fournit aux gens un contexte pour coopérer avec leurs voisins, voisines et rendre leurs efforts visibles. La banque de temps de Madison était l'une des plus importantes des États-Unis, avec plus de 2000 membres. Elle a également collaboré avec des tribunaux pour mineurs dans le but d'aider les jeunes à éviter les comportements criminels. Les banques de temps démontrent l'imposition patriarcale que constitue l'économie de marché de la modernité, car elle repose sur des visions très différentes des êtres humains, de la rareté et de la suffisance. Elles reconnaissent que chacun, chacune a quelque chose à donner et que nous savons tous et toutes, mieux que quiconque, ce dont nous avons besoin lorsque nous sommes libérés de la coercition et des incitations des systèmes monétaires. Elles offrent également l'espoir que nous puissions tous et toutes satisfaire nos besoins dès lors que nous partageons ce que nous avons. Il y a quelques années, Stéphanie a décidé que la banque de temps n'était pas le bon moyen d'échapper au système économique oppressif. En effet, bien qu'elle ait permis des actes de gentillesse, cette banque ne fournissait pas des outils ou un contexte permettant à des groupes de personnes de mieux s'organiser. Par ailleurs, l'éthique égalitaire selon laquelle une heure de travail est toujours de valeur égale, quelle que soit la personne, n'est pas adaptée à de nombreuses situations. Par exemple, lorsqu'une formation approfondie est nécessaire pour fournir une heure de service de qualité. Elle a donc lancé un réseau d'entraide, bien avant que ce terme ne soit remis au goût du jour par les confinements. Sa vision est de réinventer le travail, les salaires, la protection sociale, les soins, la finance, la production et à terme jusqu'au gouvernement. Les notions capitalistes traditionnelles d'emploi de personnel seraient remplacées par des citoyens et citoyennes se réunissant en groupe pour s'organiser, répondre à des besoins ou assumer de nouvelles responsabilités. Ce nouveau réseau, appelé Humans, fournit déjà une infrastructure numérique possédée collectivement et qui permet de communiquer, partager des documents, conclure des contrats, émettre des monnaies complémentaires et effectuer des paiements. Les besoins logiciels constituent toutefois une limitation permanente, car une grande partie des outils appropriés, même ceux qui sont gratuits, ont été développés par des capitalistes, avec des objectifs mercantiles de capture des utilisateurs-utilisatrices, de saisie des données, de publicité, de manipulation des sentiments et de surveillance. Beaucoup d'entre nous cèdent au pouvoir de la commodité, même si nous savons que nous risquons de perdre notre liberté et de la perdre bien plus que nous ne le pensons. Cependant, certains et certaines sont irrévocablement attachés à la souveraineté et à la liberté personnelle. L'une de ces personnes est le Sud-Africain Tim Jenkins. Il en est venu à mépriser le système de l'apartheid au point de s'engager dans l'ANC, African National Congress, ou Congrès National Africain. Est le principal parti politique sud-africain ayant lutté pour l'abolition de l'apartheid. Il en est venu à mépriser le système de l'apartheid au point de s'engager dans l'ANC et de publier et distribuer illégalement des tracts pour ce parti au cours des années 1970. Arrêté et jeté dans la prison de haute sécurité de Pretoria, il se volatilise un matin de sa cellule pour réapparaître à Londres. Lorsque j'ai interviewé Tim pour ma chaîne YouTube, il m'a raconté comment il avait réussi à fabriquer dans l'atelier de la prison les répliques en bois des nombreuses clés dont il avait besoin pour s'évader. Il se savait emprisonné par la faute des actions d'un régime illégitime, et il était donc convaincu qu'il était de son devoir d'essayer de s'évader, même si cela risquait de lui coûter la vie. On peut maintenant voir un film sur son évasion, intitulé Escape from Pretoria. Mais après l'arrivée de l'ANC au gouvernement, Tim a constaté que la pauvreté contre laquelle il avait œuvré avec tant d'acharnement était toujours présente, alors même que la nouvelle classe politique s'enrichissait. Il a notamment constaté que le système monétaire et bancaire continuait d'emprisonner les personnes noires et leurs communautés malgré la fin de l'apartheid. Cela a contribué à façonner ses opinions politiques et faire de lui ce que j'appelle un libertaire de gauche, entre guillemets. En effet, il voulait que le système monétaire prenne sa source dans les gens ordinaires, plutôt que d'être imposé par une autorité opaque qui n'a de compte à rendre à personne. Il s'est donc intéressé à ce que l'on appelle les systèmes d'échange locaux, SEL, et a programmé un logiciel permettant non seulement d'aider un grand nombre de SEL existants à s'établir sur Internet, mais aussi de les relier entre eux dans le monde entier. La plupart d'entre nous tiennent pour acquis le fait que notre argent nous permet à la fois de payer et d'être payé, c'est un moyen d'échange, et d'épargner, c'est aussi une réserve de valeur. Cependant, la combinaison de ces deux fonctions différentes en un seul instrument contribue à la manière dont le pouvoir de l'argent ruine nos relations les unes les uns aux autres et nos relations à la nature. Comme nous l'avons vu au chapitre 1 et 2, lorsque nous épargnons de l'argent ou l'utilisons pour éponger nos dettes, cela empêche en fait d'autres personnes et entreprises d'échanger du temps et des ressources, puisque cette même quantité du moyen d'échange est retirée de la circulation. Les économistes parlent alors de récession. Nous sommes toujours là, en tant que personnes prêtes à travailler. Ce travail doit toujours être effectué et les mêmes ressources sont disponibles pour ce faire. Et pourtant, moins de travail s'effectue et moins de bénéfices sont perçus à cause de ce manque d'argent. L'argent étant un produit de notre imagination, sa rareté révèle un échec profond du système monétaire. Mais pour cette même raison, Tim pense qu'une communauté peut réimaginer son propre moyen d'échange. L'avantage de cette démarche est qu'elle permet de créer davantage de connexions locales et de raccourcir les chaînes d'approvisionnement, ce qui accroît la résilience des communautés locales. Le meilleur exemple de l'impact significatif de cette philosophie nous vient peut-être des bidonvilles du Kenya. Ces quartiers informels pourraient être décrits comme étant en perpétuelle récession, entre guillemets, car la plus grande partie de l'argent que les gens gagnent est dépensée pour se procurer des biens en ville. Cela signifie que seule une petite partie est disponible pour faciliter les échanges entre les habitants et habitantes. Lorsqu'il s'est rendu pour la première fois au Kenya en tant que volontaire du Peace Corps, Will Ruddick, un physicien états-unien, a souhaité mettre à profit son éducation et ses privilèges pour aider les plus pauvres. Il est resté, a épousé une Kenyane et fondé une famille, et a développé des relations à long terme avec des petits commerçants dans le quartier informel de Mombasa. Après avoir discuté avec Tom Greco, expert en crédit mutuel, lors d'une retraite dans les montagnes du Jura, Will a décidé de relancer son initiative en se concentrant sur les entreprises locales qui émettent un montant défini de bons pouvant être échangés par elles. Son organisation, Grassroots Economics, a lancé le Bangla Pesa et a constaté les effets positifs sur les personnes qui pouvaient désormais commercer entre elles, alors qu'auparavant, le manque d'argent liquide constituait un obstacle. Un article de recherche que Will et moi-même avons publié décrit ses avantages immédiats, qui sont majeurs pour la communauté. Cependant, les innovations monétaires impliquant les pauvres sont parfois risquées. Will et son collègue Alfred Sigo ont été jetés en prison pendant plusieurs jours, le temps que la Banque centrale délibère sur le caractère illégal ou non de ce projet. Ils ont été libérés et la Banque centrale n'a pas engagé de poursuite. Je venais de cesser de travailler à l'ONU et j'ai donc pu contribuer à l'écriture et l'envoi d'une lettre adressée par les Nations Unies aux autorités compétentes afin d'expliquer le travail de pionnier réalisé par Will et ses collègues. Le conseil d'administration de Grassroots Economics a obtenu gain de cause, ce qui a ouvert la voie à l'expansion du projet. Ils ont fait évoluer le système en partenariat avec les commerçants locaux et les aînés de la communauté et ont lancé des systèmes dans d'autres régions pauvres sous le nom de Sarafu Crédit. Ils ont développé un système de paiement pour les téléphones portables, créé un système d'échange pour que les crédits des différentes communautés soient interopérables, collaboré avec la Croix-Rouge et expérimenté avec des blockchains. En 2023, il y avait plus de 50 de ces systèmes en activité au Kenya et au-delà. La façon dont ces systèmes permettent à une communauté de s'organiser et de planifier sa vie commune est tout aussi importante que le volume de commerce local qu'ils permettent dans les régions pauvres. L'objectif de Grassroots Economics étant de promouvoir des formes de production locale, respectueuses de l'environnement et résilientes, des projets d'agroforesterie ont été lancés grâce aux ressources générées par les systèmes de crédit Sarafu. Cela signifie que le système monétaire contribue en fait à la croissance de la base alimentaire de la communauté. C'est donc une monnaie qui nourrit la vie plutôt que de nous séparer de la vie. Parce qu'elle se situe en dehors du système de marché normal qui emploie le shilling kényan, toute cette activité pourrait ne pas apparaître dans les statistiques officielles de la croissance économique du Kenya. Toutefois, cela signifie également que l'augmentation de l'activité économique est motivée par les besoins et les souhaits de la communauté plutôt que par ce que les banquiers et banquières veulent prêter, les salaires que les entreprises veulent payer ou ce que les gouvernements et les philanthropes veulent financer. Il s'agit donc d'une forme pratique de développement communautaire, progressif et post-croissance. Bien que la décroissance soit importante dans les centres et les pays riches, la plupart de ses partisans partisanes reconnaissent que par souci d'équité, une certaine expansion économique est nécessaire dans les communautés exploitées et opprimées, comme les bidonvilles du Kenya. La Fondation Gates, avec ses efforts d'inclusion financière, et toutes les ONG bureaucratiques qui promeuvent des services bancaires à destination des personnes dans les recoins les plus isolés, n'ont montré aucun intérêt pour le modèle de Grassroots Economics, sans même parler d'offrir leur soutien. Ce n'est pas parce qu'il est confidentiel, car de nombreux articles ont été écrits sur cette initiative, dans la presse et dans des revues scientifiques, et de reportages télévisés lui ont été consacrés. Le même manque d'intérêt de la part des bailleurs de fonds s'applique à l'initiative de Tim Jenkins, à celle de Stephanie Rerick, ou au logiciel de Matthew Slater, qui a permis à la fois le travail de Stéphanie et celui de centaines de projets similaires dans le monde entier, au cours des 20 dernières années. Dans le passé, mes tentatives de collecte de fonds pour de tels projets se sont heurtées à des regards déroutés ou à des promesses non tenues, même de la part d'organisations qui disaient vouloir contribuer au développement économique local. Lorsque j'ai décidé de demander de l'aide à mes contacts qui fréquentent le sommet de Davos, j'ai été ravie d'être mis en contact avec une responsable des subventions de la Fondation Gates. Après que je lui ai exposé l'objectif de créer un réseau mondial d'émissions de monnaie, elle m'a gentiment présenté à un philanthrope qui vivait dans les Caraïbes. La seule chose dont je me souviens de mon appel Skype avec Jeffrey Epstein, c'est que lorsque je lui ai expliqué la nécessité de faire voir le jour à ce projet, il m'a répondu « Tu sais, Jem, moi je veux juste m'amuser. » Mais comment aider un milliardaire à s'amuser davantage ? Assez déconcerté, Je ne me suis pas inquiétée quand il n'a pas donné suite à notre unique conversation vidéo. Avec le recul, il avait peut-être des cibles plus en vue à essayer de compromettre, plutôt que du menu fretin comme nous et nos projets d'entraide au niveau local. Un nouveau programme effondriste. Comme je l'ai mentionné au chapitre 8, le terme « doomer » a été utilisé pour critiquer les personnes qui ont une vision négative des choses et qui abandonnent les efforts de changement sociétaux. Certaines personnes s'identifient sous ce terme et se satisfont de cette caractérisation. D'autres, en revanche, trouvent qu'il ne fait pas justice à leur engagement passionné et persistant en faveur de changements positifs. Pour dépasser ce bagage, certaines d'entre nous ont commencé à se décrire comme des effondristes, doomsters. En anglais, le suffixe ster a été utilisé dans un sens mélioratif, par exemple rhymester, péjoratif, gangster, ou bien pour parler d'une profession, pollster, ou encore d'une tendance à la mode, hipster. Quand on utilise un mot se terminant en « ster » pour se décrire soi-même, cela indique une identité choisie en toute confiance. Les effondristes pourraient-ils et elles devenir « tendance » entre guillemets, et même être considérés comme les « hipsters » d'aujourd'hui? Le phénomène « hipster » a fait couler beaucoup d'encre. Il s'agissait en partie d'un attachement vestimentaire trahissant une vie déracinée par les contraintes économiques, dans laquelle les grosses chemises à carreaux, les cafés au lait de soja et les selfies servaient de distraction pour oublier l'insécurité future. Mais nous autres effondristes ne détournons pas le regard des fractures qui nous entourent, parce que nous savons que chaque mois peut être le dernier de notre vie. Nous vivons avec notre cœur. Nous avons suffisamment traversé nos états de déni, de choc, de désespoir, de chagrin et de contemplation, pour en ressortir plus curieux et curieuse, plus courageux et courageuse, plus compatissant et compatissante, et plus créatif et créative. Beaucoup d'entre nous sont également ce que j'appelle des éco-libertaires. Non parce que nous connaissons tous et toute la philosophie et la théorie décrites dans ce livre, mais parce que l'effondrisme est une orientation d'ouverture sur le monde, plutôt que de contraction et de contrôle. Nous creusons des plates-bandes, pas des bunkers. Dans une interview vidéo, Karen Perry, qui milite pour l'acceptation de l'effondrement, a dressé une liste des attitudes psychologiques de ce qu'elle et d'autres décrivent comme constituant une perspective post-doom. Le terme fait référence au travail et aux perspectives du révérend Michael Dowd, 1958-2023. Voir le site postdoom.com. Je les résume ci-dessous avec seulement quelques légères révisions. Si les 15 attitudes qu'elle énumère sont toutes essentielles à un mode de vie effondriste, 3 d'entre elles sont négligées à la fois par les critiques et par celles et ceux d'entre nous qui essayent encore de se relever sur le ring et qui ont besoin d'aide pour passer à un mode de vie en accord avec cette philosophie. Ce sont celles qui s'incarnent dans notre engagement au service de nos communautés locales, dont nous défendons les intérêts, notre solidarité avec celles et ceux qui sont moins privilégiés ou qui subissent les pires effets de l'effondrement, et nos actions de réparation qui visent à faire ce que l'on peut pour atténuer la souffrance et créer des possibilités de vie future. On considérera peut-être cette façon d'être au monde comme post-hipster. Si les hipsters vieillissants et vieillissantes peuvent trouver que préparer une purée d'avocat sur pain grillé à la maison coûte désormais plus cher que lorsqu'on mangeait cela dans un café, nous, les effondristes d'aujourd'hui, préférons cultiver nos propres avocats. Nous aimons aider nos communautés à devenir plus autonomes en matière d'énergie, d'eau, de nourriture, de soins et de divertissement. Nous aimons faire notre propre musique et utiliser nos propres monnaies. Nous ne suivons pas servilement les stratégies et les tendances des grands médias, mais nous cherchons ce qu'il est important de savoir et comment nous rendre utiles. En vivant de cette manière, il me semble que nous, les effondristes, savons profiter de la vie mieux que d'autres. Liste des 15 attitudes effondristes. 1. Liberté. S'éloigner des « il faut » pour aller vers les « nous pourrions » qui sont autant de portes ouvertes. 2. Urgence. Ne pas remettre à plus tard ce qui nous tient à cœur. 3. Paramètres. S'engager dans la société avec un horizon temporel différent, qu'il s'agisse de notre carrière, de notre épargne ou de notre famille. 4. Présence. Se concentrer sur l'ici et le maintenant en s'ouvrant à une nouvelle expérience de la vie. 5. Gratitude. Être reconnaissant, reconnaissante envers les aspects positifs des sociétés modernes qui sont sur le point de disparaître et envers le monde naturel avant qu'il ne change. 6. Ancrage. Ne pas se laisser accaparer par des informations catastrophiques qui nous déconcentreraient. 7. Communauté. Contribuer aux capacités locales et les défendre contre les pressions destructrices. 8. Renoncement. Se défaire du récit douloureux selon lequel il faudrait tout sauver avant qu'il ne soit trop tard. 9. Transcendance. Faire l'expérience d'une connexion accrue à l'unité de tout ce qui existe. 10. Empathie. Accepter les nombreuses réactions émotionnelles, souvent difficiles, qui se produisent à la suite de la prise de conscience ou de l'expérience de l'effondrement de la société. 11. Solidarité. Utiliser nos privilèges de manière radicale pour aider les gens à vivre plus librement et de manière plus attentionnée. 12. S'amender. Se préparer à quitter cette existence en ayant le sentiment d'avoir fait de notre mieux pour les autres et pour la vie au sens large. 13. Sortir. Réfléchir à la manière dont nous souhaitons vivre et mourir à mesure que la situation se dégrade et nous préparer à cette éventualité. 14. Indulgence. Abandonner nos désirs de tout faire bien ou être la meilleure version possible de nous-mêmes. 15. Joie. Rendre notre quotidien plus joyeux pour mieux profiter du temps qu'il nous reste et ainsi honorer le fait d'être vivant et vivante en ce moment. Des stratégies politiques positives à l'ère de l'effondrement. Jusqu'ici, dans ce chapitre, je me suis concentrée sur la manière dont nous pouvons réagir positivement, en tant qu'individus, à notre anticipation de l'effondrement de la société, ou nous sentir revigorés dans ce que nous faisons, en constatant les preuves que cet effondrement est probable ou en train de se produire. J'ai décrit ces réponses comme se caractérisant à la fois par la recherche et l'expression de notre liberté, par rapport aux contraintes de la modernité impériale, ainsi que par le soutien que nous apportons à d'autres pour qu'ils et elles puissent vivre plus librement. La question suivante est évidemment de savoir ce qui peut être fait au plan politique, que ce soit par des autorités locales ou nationales. Avant de proposer quelques idées à ce sujet, je voudrais mettre en garde contre deux grandes façons d'aborder la question de la politique ou de s'en détourner. Lorsqu'on m'a posé la question « Eh bien, que nous conseillez-vous de faire ?» j'ai souvent ressenti cela comme une manière de nier la réalité de cette nouvelle ère d'effondrement. En effet, une telle question peut demander une solution spécifique pour une difficulté spécifique, qui n'est ni soluble ni isolée des autres difficultés. L'effondrement des systèmes alimentaires mondiaux en est un bon exemple. J'ai publié le contenu du chapitre 6 quelques mois avant la parution de ce livre, car la question de l'alimentation était à nouveau d'actualité. On m'a demandé des réponses précises, souvent sur un ton qui laissait entendre que si je n'en avais pas, je n'étais pas un commentateur valable. Les personnes en question sont toutes des professionnels du domaine en perdition du développement durable, qui ne veillent que sur ses propres intérêts. Elles ne veulent pas entendre que les tendances en matière d'approvisionnement alimentaire ne sont que partie d'un tout, c'est-à-dire un ensemble de tendances concernant l'économie, le secteur bancaire, la biosphère, l'énergie et le climat, qui vont toutes dans le sens de l'effondrement des sociétés de consommation industrielle. Elles ne veulent pas entendre que la meilleure réponse politique consiste à soutenir des réseaux d'alternatives locales au capitalisme de marché et à résister à l'accaparement du pouvoir par les mondialistes ainsi qu'à leurs initiatives contre-productives, que nous examinons plus en détail dans le chapitre suivant. Si vous travaillez dans un domaine lié au thème abordé dans ce livre, vous êtes probablement, comme moi, quelqu'un qui bénéficie du système de la modernité impériale, dont l'identité a été définie par ce système, et qui est tenté de trouver des moyens de s'accorder avec autrui sur la situation d'une façon qui ne nous coûte rien, tout en nous aidant à nous sentir respectueux et respectueuses de nous-mêmes ou même supérieurs aux autres. La prochaine fois que vous poserez la question « Qu'est-ce qu'il faut faire alors ?», demandez-vous si vous ne la posez pas dans un but antiradical. Alors que ce que vous voulez vraiment, c'est de voir vos privilèges confortés. Continuez à vous soumettre à l'ordre établi et évitez le désespoir. Cela ne veut pas dire qu'on manque d'inspiration pour de nouvelles initiatives politiques, mais ces idées deviennent accessibles à nous une fois que nous abandonnons les illusions idéologiques du développement durable et que nous abordons notre situation inextricable d'un point de vue éco-libertaire, idéalement plein et pleine d'assurance dans notre effondrisme. Lors de la conférence à laquelle j'assistais au Danemark sur la crise systémique et l'effondrement, en l'espace d'une demi-heure, un mur entier s'est trouvé couvert de post-it contenant des idées utiles de choses à faire. Chacune d'entre elles avait des implications politiques, allant de l'éducation à la santé, en passant par l'économie, la sécurité et bien plus encore. Selon moi, plus que les thèmes abordés, il est important de reconnaître l'illégitimité des systèmes à l'origine des problèmes et d'éviter que ces systèmes, ainsi que leurs concepts et leurs représentants-représentantes, ne structurent les programmes d'action. Ce n'est pas quelque chose que les élites veulent entendre, pas plus que la plupart des experts et expertes qui s'engagent sur ces sujets et qui ont passé leur carrière à regarder vers le haut de l'échelle, vers les patrons-patronnes, les promotions, les bailleurs de fonds et la possibilité d'exercer une plus grande influence une fois en haut. Par exemple, prenons la question de la géo-ingénierie. Si les puissances occidentales, les investisseurs en capital risque, les entreprises de haute technologie et les banques mènent la danse, les décisions ne seront pas prises sur la base de ce qui fonctionne le mieux et avec le moins de risques ou de dommages collatéraux. Malheureusement, ce n'est pas le monde dans lequel nous vivons, et le secteur des entreprises capitalise déjà sur l'angoisse climatique pour obtenir des fonds publics considérables pour des idées stupides, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. La démarche inverse de celle qui cherche à trouver une solution politique rapide est celle consistant à rejeter toute conversation portant sur des mesures politiques appropriées à une époque d'effondrement. Malheureusement, certaines personnes anticipant l'effondrement considèrent toute formulation d'idées politiques ou tout activisme en la matière comme illusoire. Je pense que cela est dommageable pour plusieurs raisons. Tout d'abord, j'estime qu'il est encore temps et encore possible de réduire les dommages causés par les perturbations sociétales et l'effondrement grâce à des formes de coopération à grande échelle. Cela ne signifie pas que je considère les gouvernements locaux ou nationaux comme utiles ou légitimes lorsqu'ils sont conquis par les intérêts du capital mondial. En revanche, certaines règles et certains budgets peuvent être modifiés pour réduire les obstacles au type d'initiatives que j'ai décrites ci-dessus, parmi d'autres projets visant à accroître la résilience aux perturbations. Deuxièmement, certaines valeurs sont importantes à défendre, même si nous échouons. Alors que se désagrègent les sociétés, nous pouvons choisir de défendre les valeurs universelles auxquelles nous croyons, ce qui nécessite souvent un soutien actif ou une non-ingérence de la part des autorités étatiques. Les questions d'équité, de justice, de réconciliation et de réparation sont importantes à une époque d'effondrement, tout comme elles l'étaient à une époque de progrès matériel. Comme nous le verrons dans le chapitre suivant, si celles et ceux d'entre nous qui se soucient des valeurs universelles ne restent pas engagés dans des mouvements politiques, l'attitude jusqu'au boutiste des élites paniquées et sur la défensive conduira à des réponses autoritaires, sans rencontrer de résistance. Certaines de celles et ceux qui anticipent l'effondrement rejettent tout engagement politique en arguant que c'est inutile. Cela révèle à la fois une certitude quant à ce que le futur nous réserve et un attachement à une éthique utilitariste que je ne partage pas, pas plus que de nombreuses effondristes. Au contraire, en tant que pessimistes positifs et positives, nous essayons de nous rendre utiles, même si les chances ne sont pas en notre faveur, parce que nous croyons que c'est une façon de vivre qui est bonne et vraie. D'autres personnes qui rejettent l'engagement politique affirment que nous pouvons simplement attendre que s'effondrent les structures des marchés et des gouvernements. Cependant, cela ne tient pas compte du fait que des réponses agressives de la part des grandes institutions privées et des entités publiques feront partie de notre expérience vécue de l'effondrement. Bien que le fait de se concentrer sur l'action locale puisse donner un sentiment immédiat de réussite, cela peut s'avérer illusoire, car des changements mondiaux et nationaux balayeront ces succès locaux. Par exemple, un potager local peut être réquisitionné par un État autoritaire ou détruit par une inondation. L'essentiel est que nous essayons de faire ce que nous croyons utile sans nous attacher aux résultats, ni faire de notre action prioritaire une raison de négliger des dynamiques sociétales plus larges. On pourrait écrire toute une série de livres et de rapports sur un programme politique positif pour les gouvernements nationaux et locaux à une époque d'effondrement. Alors, que dire dans ce livre? Heureusement, mon propre effondrement sur le sol du révérend me permet d'être moins exigeant envers moi-même et de ne pas essayer de vous fournir un panorama complet de ce domaine d'idées. Au lieu de cela, je me contenterai de signaler 6 domaines de recherche et d'action sur les changements de société qui intègrent l'acceptation de l'effondrement des sociétés de consommation industrielle. Dans le domaine des politiques publiques, il existe une pratique appelée la planification, qui fait référence aux gouvernements locaux ou nationaux planifiant la manière dont ils souhaitent développer économiquement une région. Au sein des études sur cette pratique, il existe une école de pensée récente qui considère que l'État n'est plus le seul agent de planification et que le déclin contrôlé des sociétés modernes peut constituer un cadre de planification tout autant que le développement de ces sociétés. Il existe de nombreux exemples dans le monde entier de communautés qui s'organisent dans le contexte d'un gouvernement défaillant ou oppressif afin d'obtenir ce qu'elles veulent à l'échelle de la communauté. Cette approche diffère de celle où l'action locale se concentre sur des problèmes ou des groupes spécifiques et où l'orientation générale d'une communauté est censée rester le domaine des gouvernements locaux ou nationaux. Souvent, ces initiatives locales impliquent des approches participatives de la prise de décision et de l'allocation des ressources, telles que la sociocratie, se méfient du pouvoir de l'État et des entreprises et s'attaquent aux défis environnementaux immédiats de leur communauté. Elles s'alignent ainsi naturellement sur l'écolibertarisme en particulier et sur les traditions du libertarisme de gauche plus généralement. Ce sont des projets comme ceux de Grassroots Economics qui disposent d'un vaste réseau au sein d'une communauté qui peuvent permettre de passer à une planification par la base, avec et pour l'ensemble de la communauté. Il s'agit d'un changement qui doit être éclairé par le type d'analyse présenté dans ce livre, qui identifie les difficultés à venir et montre que ni l'État, ni le marché, ni la philanthropie externe ne les résoudront. Dans le domaine de l'économie politique alternative, l'accent est de plus en plus mis sur la nécessité de tenter de restaurer les communs en tant que mode de gouvernance collaborative. Le terme « commun » décrit la manière dont des ressources peuvent être gérées collectivement et gouvernées par une communauté, plutôt que d'être la propriété d'un particulier ou d'une particulière, ou d'un gouvernement. Généralement, la gestion d'un commun implique des associations d'utilisateurs et utilisatrices s'accordant sur des règles d'usage, des sanctions et des processus de résolution des conflits pour maintenir l'utilisation durable d'une ressource partagée. Établir la propriété collective au sein de communautés est un objectif clé qu'on retrouve dans les écrits libertaires de gauche, et l'existence de succès environnementaux découlant d'une telle gouvernance fait qu'il s'agit d'un objectif évident pour l'écolibertarisme. Plutôt qu'une tragédie des communs, la destruction de l'environnement est le résultat de l'externalisation des coûts des ressources privées sur le reste de la société, comme nos rivières et notre atmosphère, et de la destruction des systèmes antérieurs de gestion communautaire des ressources, tels que les forêts. Comme nous l'avons vu au chapitre 9, l'existence même de l'espèce humaine au sein de sociétés complexes et semi-sédentaires pendant des millénaires semble être le résultat d'un triomphe des communs. Selon un penseur de premier plan dans ce domaine, Michel Bowens, il existe des preuves solides de l'idée selon laquelle les approches communales de l'organisation des personnes et des ressources se répandent plus largement pendant les périodes de déclin et de renaissance des civilisations. Cela peut s'expliquer par le fait que les grandes organisations hiérarchiques s'effondrent à ce moment-là. Étant donné le rôle du capitalisme d'État dans la destruction de la nature et des communautés locales, nous pouvons souhaiter que se réalise cet essor prédit des biens communs et des approches coopératives en cette ère d'effondrement. Cependant, nous pouvons aussi essayer de le faire advenir par nos propres choix, que l'histoire se répète ou non. Pour contribuer à un tel scénario, Michel travaille à la mise en relation au plan international de communautés locales socialement innovantes. Ces dernières s'engagent à aider tout le monde, partout dans le monde, à relocaliser la production et la consommation, tout en permettant une propriété plus commune des ressources. Cet effort est décrit comme un localisme cosmopolite ou cosmolocalisme. Les initiatives économiques éco-libertaires telles que celles de Matthew, Stéphanie, Tim et Will décrites ci-dessus s'inscrivent toutes dans cet esprit de construction de systèmes coopératifs de gestion de ressources collectives et de partage international de leurs outils et leçons dans l'objectif d'une relocalisation à l'échelle mondiale. Un leadership éclairé dans l'élaboration de politiques publiques chercherait à permettre un tel échange d'informations et à favoriser des formes coopératives et mutuelles de propriété dans tous les domaines de la société. Des philanthropes éclairés pourraient également soutenir de tels efforts s'ils et elles souhaitent contribuer à un atterrissage plus doux pour les sociétés de consommation industrielle. Le domaine de la coopération internationale à des fins humanitaires et de développement a une histoire très mitigée, car il est le fruit, même s'il est bien intentionné, des intérêts et des préjugés des puissants puissantes, qu'il s'agisse de nations ou de donateurs et donatrices. Le concept de développement durable a structuré une grande partie des efforts de coopération internationale depuis 1992, promouvant l'idée erronée qu'un mode de vie industriel de consommation est possible et bénéfique pour tous les habitants de la Terre. Chapitre 1. Les opinions en désaccord avec ce point de vue ont été ignorées pendant des décennies, mais elles se sont répandues à mesure que la réalité de l'échec devenait trop patente pour que tout le monde puisse l'ignorer. Certains et certaines professionnels de ce domaine choisissent de considérer la situation mondiale comme un métadésastre qui englobe tout le reste et promeuvent donc l'idée que les compétences, les ressources et les institutions du domaine de la gestion des risques de catastrophe devrait former la base du champ de la coopération internationale tout entière. Aux Philippines, par exemple, une mise en pratique positive de cette approche reviendrait à partir du constat difficile que les typhons vont continuer de se faire plus nombreux et plus violents, tandis que les capacités d'assistance publique à la portée du gouvernement central et des donateurs étrangers, donatrices étrangères, ne vont cesser de se réduire. Cela signifie que la réduction des risques et les mécanismes de récupération doivent être améliorés au niveau local et protégés des pressions commerciales, qui peuvent accroître la vulnérabilité aux aléas en raison d'un développement inapproprié sur le plan environnemental. Dans le domaine de la politique climatique, on assiste à une évolution visant à réimaginer ce que l'on appelle l'adaptation transformatrice et à en faire la priorité dans les tentatives d'adaptation aux effets actuels et à venir du changement climatique. Selon le GIEC, il s'agit d'un type d'adaptation au changement climatique qui n'essaie pas de maintenir en l'état les comportements et les actifs existants, comme on le ferait par la construction d'une digue, mais qui tente de s'attaquer aux causes de la vulnérabilité en changeant ses comportements et ses actifs de manière significative. Il peut s'agir de déplacer des établissements et des activités ou de modifier l'utilisation des terres pour passer d'un type d'agriculture à un autre. Plus récemment, certains et certaines activistes ont redéfini la notion pour y inclure le respect de l'environnement et l'équité sociale des adaptations, y compris le fait que les communautés locales doivent être en charge du processus. À ce titre, l'adaptation transformative devient un cadre utile pour les initiatives de planification par la base, à l'image du, je cite, « flanc modéré » (moderate flank) au Royaume-Uni. Lorsqu'elle est intégrée au concept de gestion, elle peut être utile pour les organisations qui tentent d'améliorer leur propre capacité d'adaptation transformative. Par exemple, les organisations peuvent revoir leur stratégie, politique, procédure, budget et formation en vue de réduire leur vulnérabilité ainsi que celle de leur personnel, de leur chaîne d'approvisionnement et de la communauté concernée. Le sixième domaine de discussion et d'initiative politique que je mentionnerai ici est issu du concept d'adaptation radicale et des communautés qui s'y réfèrent. À l'heure actuelle, les nombreux réseaux et groupes locaux utilisant ce concept se sont principalement concentrés sur les aspects interpersonnels, psychologiques et idéologiques de la préparation à l'effondrement. Mis à part certaines des actions humanitaires et pratiques décrites ci-dessus, ces groupes se sont surtout concentrés sur des formes d'assistance mutuelle entre participants-participantes dans le but de déterminer les manières dont ils et elles souhaitaient changer leur vie et leur travail à mesure qu'ils s'adaptaient à la situation. Cependant, le concept s'est répandu dans des domaines plus larges, comme l'illustre une revue de la littérature qui a identifié près de 300 publications universitaires faisant référence à l'article original sur l'adaptation radicale, dans des domaines aussi divers que l'architecture, l'urbanisme, les arts, l'éducation, la philosophie, les sciences politiques, la psychologie et la sociologie. Dans de nombreux cas, le concept de l'adaptation radicale était lié à une critique des idées éco-modernistes sur la manière de répondre à la situation environnementale. Le pessimisme positif dont font preuve ces nombreuses chercheuses et nombreux chercheurs qui s'emploient à atténuer les dommages de cette époque d'effondrement pourrait à l'avenir inspirer toute une série d'idées et d'initiatives politiques. Le travail de Skeena Rather depuis 2021 au sein d'Extinction Rebellion autour des idées de, je cite, « incarner le changement » et de la co-libération des personnes de l'oppression quotidienne de la modernité impériale, découle en partie de discussions ayant émergé dans le champ de l'adaptation radicale. La philosophie de l'éco-libertarisme que j'expose dans ce livre est également issue de ce domaine. Dans d'autres écrits, j'ai appliqué ce concept à différents domaines politiques. En 2021, ma série d'essais sur une « véritable révolution verte » a couvert des dizaines de sujets, allant de la politique monétaire à la géo-ingénierie, en passant par le droit de mourir. Malheureusement, à l'heure où j'écris ces lignes, il n'existe que peu, voire pas du tout, de réseaux dotés de ressources suffisantes dans le monde pour développer et affiner des idées politiques en vue d'une ère d'effondrement. Étant donné que le sujet a été maintenu tabou dans le discours public, cela n'est pas surprenant. À mesure que philanthropes, groupes de réflexion et réseaux nouveaux ou existants investissent cet espace, ils l'édulcorent et y apportent en même temps les préoccupations des personnes et des organisations qui bénéficient de la modernité impériale et qui sont façonnées par elle, comme nous le verrons dans le chapitre suivant. En réponse, beaucoup d'entre nous cherchent à partager leurs idées par le biais de réseaux informels tissés avec les nombreuses périphéries de l'ordre impérial actuel, c'est-à-dire les réseaux des classes productives dans le monde majoritaire. Le terme « monde majoritaire » (majority world) se rapporte à l'ensemble des pays aussi dits du « sud », entre guillemets, représentant la majorité de la population humaine. Il n'y a pas de délivrance. Les histoires des personnes que j'ai racontées dans ce chapitre ne sont pas seulement un rappel de ce que les gens peuvent faire, mais elles laissent entrevoir ce qui pourrait être notre comportement ordinaire à toutes et tous, malgré la manipulation de notre volonté individuelle par la modernité impériale. Ces histoires montrent comment c'est notre oppression, et non l'expression débridée de notre liberté qui a conduit à l'écocide planétaire et à l'effondrement des sociétés de consommation industrielle. Le libre arbitre relatif est un aspect inhérent et qui n'est pas à blâmer, à la fois de la nature et de la nature humaine. Reconnaître ce fait, comme nous l'avons fait dans le chapitre précédent, fournit un contexte philosophique pour un environnementalisme épris de liberté, comme celui dont font preuve les personnes et les initiatives présentées dans ce chapitre. Ces récits soulignent également les raisons pour lesquelles nous devrions parler de l'effondrement. Le discours dominant est que faire cela est une source de défaitisme et de nihilisme. Les recherches en psychologie et de nombreux témoignages personnels révèlent une réalité différente. Les personnes qui prennent l'information au sérieux et la laissent atteindre leurs émotions, leur vision des choses et leur identité, ont très peu de chances de continuer à vivre normalement, de se désintéresser des autres ou de se livrer à des excès hédonistes. Mais ce qui est essentiel, c'est que nous soyons tous et toutes soutenus dans notre manière de traiter les informations et les émotions, ainsi que dans l'exploration des possibilités que nous avons d'y répondre. Je n'ai mentionné que quelques-unes de ces façons et j'ai blogué au fil des ans sur de nombreuses autres réactions. Dans le chapitre suivant, nous examinerons la nécessité croissante de réagir politiquement en tant que mouvement écolibertaire de résistance à la panique et à l'autoritarisme des élites. Le révérend Stephen Wright avait réfléchi aux mêmes questions avant que je ne fasse sensation à son dîner. Je cite: nous aurons besoin de beaucoup de soutien pour affronter l'avenir et choisir des options plus saines que d'autres comme le déni, la dépression ou le recours à des solutions simplistes. Fin de citation. Écrit-il dans un article publié avec une collègue du Deep Adaptation Forum dans le Church Times, un journal anglican grand public. Traditionnellement, les institutions religieuses ont joué un rôle crucial en aidant les gens à comprendre leur vie et à trouver un soutien dans les moments difficiles. Stephen m'a dit ce que j'avais entendu par ailleurs. De nombreuses personnes religieuses considèrent désormais les problèmes actuels comme la fin des temps. Le concept d'apocalypse joue un rôle important dans la religion, mais aussi dans la littérature et la culture en général. Si l'on comprend ce concept comme signifiant la levée du voile de l'illusion, il s'agit alors d'un outil puissant. Toutefois, Si on le voit comme un événement cataclysmique conduisant à une transformation magique de toute douleur et de toute souffrance, il n'est pas nécessairement utile pour les personnes de quelque confession que ce soit, y compris les chrétiens et chrétiennes. Les personnes qui envisagent la fin du monde, entre guillemets, de cette manière, doivent soigneusement sélectionner certains passages dans les Écritures, d'une manière qui ne correspond ni à la sagesse spirituelle de ces textes, ni à celle de la communauté chrétienne contemporaine. Le fait de penser qu'il s'agit de la fin des temps pourrait inciter un plus grand nombre d'entre nous à vivre courageusement, en adoptant une attitude d'amour universel. Mon ami et professeur Ram Dass était très clair avec nous à ce sujet, m'a confié Stephen. Nous devons garder nos cœurs ouverts en enfer. Comme je l'ai décrit au chapitre 8, la foi en la justesse ultime de toute chose, à un niveau plus profond, ne doit pas nécessairement revenir à croire que les difficultés actuelles seront toutes résolues ou que la planète redeviendra ce qu'elle était avant que l'être humain moderne ne l'endommage, ou qu'elle sera transformée en une nouvelle création dépourvue de douleur et de souffrance. Au contraire, la foi en cette profonde justesse, malgré la douleur et la souffrance, implique l'acceptation de la nature tout entière, telle qu'elle est. Ma vision d'une utopie sur Terre n'est pas celle d'une utopie débarrassée des difficultés de la vie, telles que la maladie, le vieillissement, la douleur, la souffrance et la mort. Ce serait un lieu étrange et artificiel, car ces difficultés font partie du cycle de la vie, même si nous essayons d'en atténuer la souffrance. Dans mon utopie, il y a simplement plus de conscience et moins de destruction des fondements de la vie. Nous y serions autorisés à nous reconnecter à notre nature et à notre orientation originelle par rapport à la vie, avec bienveillance, compassion, équanimité, et en nous réjouissant des bienfaits reçus par autrui, comme je l'ai mentionné dans l'introduction de ce livre, en me référant au Brahma Vihara. Que cette utopie puisse ou non se réaliser ne remet pas en cause l'engagement qu'on peut avoir à vivre en accord avec cette vision, que cela implique de changer nos vies ou de devenir politiquement actif, active, ou les deux. En effet, nous autres effondristes avons choisi de devenir moins attachés aux résultats de nos actes.